Ça me chuchote, serre-moi plus fort. Laisse-moi faire le premier pas. Mais d'abord, rapproche-toi. Ou encore, colle-toi contre moi. Laisse nos deux corps nous guider. Fais le premier pas. Si arrange à haut, quand ils sont suivis mes pas. Se mêle et se mélange, je deviens aïe aïe initié à la magie de ses premiers pas. Reste avec moi tonight, night, night, na na na na. M'a fait le premier pas, si arrange à haut, arrange à haut. Et condition suit mes pas pour approche à nous. M'a fait le premier pas, si arrange à haut. Oh baby, suis-moi pas.